Bonjour, ici Valérie Levé, vous écoutez CKRL 89.1 et c'est l'heure de votre magazine de culture scientifique Futur Simple. Si on parle de la planète aux anneaux, nous vient instantanément à la tête la planète Saturne. Mais elle n'est pas la seule à être entourée d'anneaux, et même ailleurs dans l'univers, l'anneau est une structure qu'on retrouve dans les nébuleuses et même les galaxies. C'est donc à un grand voyage que je vous invite ce soir, un voyage dans le système solaire et dans l'univers pour faire le tour de ces structures en anneaux. Et ce voyage, c'est avec Jean-René Roy, astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval que nous allons le faire. Bonjour Jean-René. Bonne fin d'après-midi Valérie. Alors, avant de parler des anneaux proprement dit, j'ai envie de remonter dans l'Antiquité. À cette époque, évidemment, on n'avait pas idée qu'il y avait des anneaux autour de Saturne. Et pour les observateurs du ciel, finalement, le Soleil, la Lune et peut-être les autres planètes, c'était juste des ronds. Et donc, on pensait que peut-être les corps célestes étaient des sphères. En effet, l'idée de forme sphéroïdale de la sphère, elle vient de Pythagore. Il est connu comme grand philosophe et il a laissé via ses disciples pas mal d'écrits. Et c'est lui qui introduit la forme sphérique, la boule, comme étant en quelque sorte géométriquement la forme parfaite. Et il y avait tout de même cette vision que les formes dans l'espace, et il voyait l'espace comme une immensité, les étoiles comme étant d'autres mondes, déjà dans ces années 500 avant Jésus-Christ. Et donc, il met de l'avant cette idée qui est fondée aussi sur le fait qu'on savait que la Terre était ronde. On voyait que la Lune était ronde, on voyait l'ombre de la Terre cacher la Lune lors d'une éclipse totale lunaire ou partielle lunaire. On voyait aussi la Terre, la Lune cacher le Soleil, c'était beaucoup plus rare. Mais disons, l'espèce de phénomène de rondeur et de sphère était fondé non seulement sur des considérations d'ordre esthétique philosophique, mais aussi sur certaines observations. Donc, l'idée que finalement, ce qui était dans l'espace, le Soleil qui nous est familier, la Lune qui nous est familière, la Terre qui nous est encore plus familière, mais dont la sphéricité est moins évidente, c'est quelque chose qui a vraiment été établi comme un concept fondamental. Donc, et c'était accepté même jusqu'à l'époque de Kepler, de Galilée, mm-hmm. et évidemment Newton. D'ailleurs, on faisait toujours appel à des cercles pour tenter d'expliquer les mouvements célestes, soit autour de la Terre, comme dans le modèle géocentrique, ou autour du Soleil, comme Copernic nous a invités à le faire en 1543. Donc, on avait cette idée que les corps célestes étaient des sphères, que les planètes tournaient autour de la Terre selon des sphères. Et là est arrivé Christian Huygens qui pointe son télescope vers Saturne et qui voit des formes étranges. Oui, donc le premier à avoir une forme étrange, c'est Galilée. Qui a découvert les lunes en orbite autour de Jupiter et qui avait observé Saturne. Il voyait que Saturne avait une drôle de forme. Donc, il a même parlé que Saturne était une planète qui paraissait avoir deux oreilles ou deux lunes autour. Bizarre. Donc, ces télescopes n'étaient pas de la qualité que ceux que Christian Huygens a fait avec son frère. Huygens, justement, a découvert la forme annulaire et puis il a émis une espèce de message codé disant qu'il avait découvert, mais il a continué à observer Saturne avec de meilleurs instruments pour être sûr de son affaire. Et il a révélé la découverte des anneaux de Saturne en, je pense, 1662. Je ne me souviens plus exactement de la date, mais c'est à peu près ces années-là. Donc, à peu près 50 ans à peu près après l'invention du télescope. Donc, il fallait un télescope d'assez bonne qualité. Et ça a été un point de rupture. Tout le monde est étonné parce que, justement, c'était le premier bris d'une forme qui n'était pas d'allure sphérique. Et Huygens, déjà, avait établi que c'était un plan, une espèce d'anneau. Il le voyait possiblement comme solide, une espèce de disque qui était en rotation autour de Saturne. Et évidemment, c'était le premier système avec anneau qui a été découvert. Et d'ailleurs, les anneaux de Saturne ont fasciné les astronomes, tant les amateurs que les professionnels pendant des années. On a établi plus tard que c'était un système très, très mince, même si Saturne fait à peu près 120 000 kilomètres de diamètre. Elle est à peu près 9 fois plus grande en diamètre que la Terre. Son système d'anneaux est gigantesque. Le système d'anneaux est de centaines de milliers de kilomètres. Et dernièrement, on a découvert même un anneau très faible, très fin, qui s'étend entre 4 et 10 millions de kilomètres de la Ah oui, planète. c'est vraiment loin. Fait que Donc, finalement, et après. l'anneau est très mince, hein? Même Oui. s'il a cette dimension que je viens de décrire en diamètre, il est de quelques kilomètres à peine d'épaisseur. Ah oui, c'est très mince par rapport à sa dimension latérale. Puis là, ce qu'on s'est aperçu aussi après, au fil des observations, de l'amélioration des moyens d'observation, puis des sondes, on s'est aperçu finalement que ce n'était pas un anneau, mais plusieurs anneaux, comme s'il y avait une discontinuité dans les matériaux qui constituent ces anneaux. Oui, Comment ça s'explique cette discontinuité? c'est fascinant et ça, c'est un autre phénomène. D'abord, les anneaux, ce qu'on sait, là, c'est que probablement, c'est des corps assez gros qui ont été capturés par Saturne et qui continuent à l'être et qui se fragmentent par le déchirement dû aux forces de marée. Donc, qui éclatent en petits morceaux et qui s'étalent autour. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est justement qu'il y avait ces gaps, ces intervalles entre les divers anneaux et qui était dû en fait à des phénomènes qu'on appelle de résonance. Et ces résonances sont dues à des jeux de forces gravitationnelles entre Saturne et ses lunes autour qui tournent. Donc, ces nombreux satellites, tantôt sûrement les plus gros, même les petits, vont avoir un effet. Il y a même un intervalle entre deux anneaux où il y a un petit satellite de Saturne qui agit, on dit, comme un berger, en quelque sorte, qui finalement chasse le long de sa trajectoire les objets, simplement par effet gravitationnel, les tasse un peu. Donc, il y a ces effets de résonance, on peut le voir par une analogie très indirecte, comme si vous jetez un caillou dans l'eau, il va se développer un système d'anneaux, qui sont des résonances. Sauf que dans ce cas-ci, l'objet est toujours présent, donc la résonance se maintient toujours au même endroit et forme ces fameux intervalles qui on peut même observer avec un petit télescope de l'ordre d'à peu près 100 mm d'ouverture. Et là, par la suite, on s'est aperçu que bah, finalement, Saturne n'était pas la seule à avoir des anneaux, que Jupiter, Uranus et Neptune avaient aussi leurs anneaux. Absolument. Donc, surprise, c'est un des résultats des deux sondes voyageurs qui ont frôlé ces planètes qu'on dit géantes. Et on s'est rendu compte que, y avait, qu'elles avaient aussi leur anneau, absolument moins spectaculaire que celui de Saturne, pour des raisons qu'on essaie encore de comprendre, parce qu'on sait que Jupiter est capable de capturer beaucoup plus d'objets, sa masse étant plus grande que Saturne. Pourquoi Jupiter n'est pas capable de capturer aussi, de broyer ces objets pour en faire un immense anneau encore plus important? Donc, c'est possiblement par le fait que Jupiter a quatre de ses lunes qui sont très grosses et donc qui empêchent finalement cet effet de berger que les choses se rassemblent aisément. Donc, probablement, sur Jupiter, les choses qui sont capturées tombent plus rapidement sur Jupiter que dans le cas de Saturne. Et que le processus d'alimentation, même s'il est plus généreux autour de Jupiter plus massive, il finalement maintient moins bien un système d'anneaux dû à la présence des grosses lunes qui dispersent ces objets ou les font tomber, aident à les faire tomber sur Jupiter. Et qu'en est-il aussi de la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter? Est-ce qu'on peut considérer que c'est aussi une sorte d'anneau autour du système autour du Soleil? Absolument. Si vous vous mettiez un peu loin du Soleil, vous prenez une caméra infrarouge, vous verriez qu'il y a une très bonne résolution. Vous verriez le Soleil au centre, vous verriez des petits points qui sont des planètes et vous verriez une espèce d'anneau qui est chauffé par la lumière du Soleil, donc qui vous pourriez capter en infrarouge. Donc, il serait très, très faible, évidemment. Et on peut le voir aussi comme un vestige du système solaire en formation, des débris qui n'ont jamais réussi à s'agglomérer ou quand ils s'agglomèrent par les forces de Jupiter et du Soleil, un peu empêchent de les faire se rassembler à un plus gros corps. Et finalement, ça nous amène, Valérie, naturellement, au système des exoplanètes, entre autres Oui. les systèmes de protoplanètes. Et on prend l'effet des jeunes étoiles de l'ordre de la dizaine de milliers d'années d'âge. Donc, c'est très jeune pour une étoile, c'est juste après sa naissance. Rappelons-nous que le Soleil a 4 milliards et demi d'années. Donc, les planètes ne sont pas encore formées, ce sont encore finalement comme la ceinture d'astéroïdes que vous avez mentionnée, mais là, à très, très grande échelle. La masse qui est là présente est probablement des centaines de fois plus grande que celle qui est totalisant toutes nos planètes. Donc, elles sont en train de se condenser, se former, mais le système qu'on observe autour de ces proto-systèmes stellaires, et ce sont des systèmes en anneaux qui sont très bien observés dans le domaine Oui. des ondes infrarouges, en particulier par le grand observatoire millimétrique d'Alma au Chili, qui a justement la dimension et la résolution spatiale pour mettre en évidence des tels systèmes autour des étoiles les plus proches. Donc c'est ça qu'on appelle les nébuleuses planétaires qui finalement non, c'est pas vraiment une planète, c'est des planètes en formation autour d'une étoile. Non, au contraire, tout au contraire. C'est ce qu'a pensé William Herschel quand il a découvert le premier objet à la fin des années 1700. Donc, parce qu'il a justement imaginé que ces espèces de petites rondeurs lumineuses, donc il voyait que c'était plus gros qu'une étoile, il les a appelées nébuleuses planétaires, un peu par instinct. Et il a pensé justement que c'était des systèmes des systèmes en train de former des nouvelles étoiles et des nouvelles planètes. Et c'était incorrect. Au contraire, la nébuleuse planétaire est un objet qui arrive à la toute fin de la vie d'une étoile. Non. Et c'est au moment où l'étoile a des instabilités et éjecte de bonnes parties des couches extérieures de son atmosphère. Donc là, on a des systèmes beaucoup plus grands. Donc, juste pour donner, j'ai mentionné tantôt que le système de Saturne avait des centaines de milliers de kilomètres de diamètre. Le plus grand anneau, à sa limite, aurait 10 millions. C'est énorme. Le système solaire, lui, on pourrait le voir comme les systèmes de protoplanètes qu'on observe avec Alma, comme un système, un disque qui fait de l'ordre de milliards et de centaines de milliards de kilomètres. Mais ici, donc, on parle de quelque chose qui est la dimension d'une journée-lumière, le temps que la lumière met pour faire une journée. La nébuleuse planétaire, on a affaire à des structures beaucoup plus grandes qui ont la dimension de l'ordre d'une année-lumière. Donc, la lumière émise de l'étoile prend un an à se rendre à la périphérie de sa propre nébuleuse. Donc, ce sont des éjectats. Et ici, il faut faire attention parce que les choses peuvent nous paraître en forme d'anneaux, mais ce sont souvent des coquilles. Ah, c'est ça. Donc, et on voit finalement à travers, vu qu'on passe, notre regard passe à travers plus de matière à la périphérie, donc c'est vraiment une coquille, on les voit comme des anneaux. Sauf que les nébuleuses planétaires, on a réalisé au cours des ans qu'elles étaient d'une morphologie très complexe. Il y avait la coquille que je viens de décrire, qu'on pouvait percevoir comme un anneau, mais aussi certaines sont en forme de jet, certaines aussi en forme de disque de gaz très chaud, mais toujours de très grandes dimensions. Mais ce sont des éjectats et non pas des condensations comme dans le cas des planètes. Donc, D'accord. très différent, mais la morphologie est souvent la théorie physique. On fait appel au même type d'instabilité, de résonance que j'ai mentionné plus tôt. Ouais. Donc dans un cas, on est vraiment à la formation des planètes autour des étoiles, et dans l'autre cas, on est à la fin de la vie d'une étoile, où là, l'étoile éjecte de la matière. Ça fait donc dans une sorte de coquille. Et en fait, si on fait une coupe en plan, on voit comme un anneau autour, mais ce n'est pas vraiment un anneau. Donc, dans ce cas-là, c'est plus... Ouais, exactement. Un peu peut-être, parfois, la bulle de savon, on la voit comme une bulle. Ouais. Mais certains éclairages, on voit plutôt comme une coquille. En tout cas, on va la voir comme plus brillante sur le pourtour. En effet, c'est... Mais en même temps, juste un rappel, pour les astronomes maintenant, l'étude de la forme est importante. Parfois, on s'en sert pour classifier des objets, comme on le fait pour... Ouais. Les objets en botanique, mais on le fait aussi pour mieux comprendre la formation et l'évolution des différents systèmes cosmiques, comme les systèmes de planètes, comme les étoiles en fin de vie, en évolution, qu'on voit sous cette forme d'éjecta et qui peuvent nous apparaître sous plusieurs formes, disques, jets, et coquille, et forme annulaire, et en est une. Et ce qui avait un peu mis Herschel sur la mauvaise piste au départ, en pensant que c'était des systèmes en formation, ces fameuses structures qu'il a appelées planétaires, et qu'on a gardé le nom, mais ça n'a rien à voir avec les planètes. OK, d'accord. Mais Jean-René, on va changer encore d'échelle pour arriver au niveau des galaxies, parce que là encore, on observe donc une certaine organisation de galaxies en anneaux. Oui. Donc, on passe à grande échelle et ici, on revient au phénomène de résonance dynamique dans divers systèmes de particules en mouvement, etc. et tout. Donc, les galaxies, là, on parle de systèmes là, à l'échelle, on parlait des nébuleuses planétaires qui ont une échelle de l'ordre d'une année-lumière, mais les galaxies, on parle de grands systèmes d'étoiles, de dizaines, centaines de milliards d'étoiles qui forment ces systèmes de l'ordre de 100 000 années-lumière de diamètre. Donc, ce qui arrive de temps à autre, c'est que les galaxies entrent en collision. Ça n'arrive pas souvent, mais vu qu'il y a beaucoup de galaxies dans le ciel, on voit des systèmes en collision. Et souvent, il y a des systèmes où on voit une galaxie, finalement, qui a de l'air avec une espèce de noyau central qui est un regroupement de beaucoup d'étoiles, mais qui est comme au loin, à peu près à une cinquantaine de milliers d'années-lumière de distance, il y a une structure comme un anneau d'étoiles et de gaz. Et on s'est demandé souvent qu'est-ce que c'est cette structure assez inhabituelle. On s'est rendu compte que c'était dû à des événements possiblement rares, des collisions de galaxies. Et on a fait des simulations, on s'est rendu compte quand une galaxie rentre en collision, pas les plans, entre guillemets, se rentrant dans l'autre, mais qu'une tombe du dessus dans le plan, ça va faire un peu, comme je rappelle, la roche qu'on tire dans l'eau, ça va générer une espèce de résonance, une onde, et dans le cas de la galaxie, c'est comme si la galaxie frappée, la plus grosse par une plus petite, va avaler une bonne partie des étoiles de la petite, mais l'événement va se traduire par un changement de morphologie, alors qu'on avait une belle spirale comme notre propre galaxie. On se retrouve avec cette structure que j'ai décrite, qui a de l'air plutôt d'une roue de charrette. Et même, il va comme avoir des barreaux à la roue de charrette. C'est complexe. Ben oui, effectivement. Donc, c'est le phénomène de résonance qui traduit finalement une collision relativement récente, donc dans les derniers 100 ou 200 millions d'années, récentes du point de vue astronomie. Ouais. Et elles sont très intéressantes pour comprendre comment les galaxies évoluent. C'est un peu un cas là, comme une collision prise en flagrant délit. Donc, très utile pour l'étude de l'évolution des galaxies, de la dynamique des systèmes. Et puis alors, si on se rend dans une autre perspective, si on prend une autre perspective, Jean-René, il y a encore une autre forme de structure en anneaux qu'on peut voir, c'est les fameuses lentilles gravitationnelles. Puis là, c'est peut-être une vue de l'esprit, c'est peut-être un mirage, parce que c'est peut-être pas vraiment un anneau non plus. Exactement. Donc là, passons aux structures qui nous apparaissent comme... finalement, qui sont en quelque sorte des illusions d'optique. Mais ici, on fait appel à l'optique gravitationnelle. Mais avant d'y arriver, un phénomène d'anneau qui n'a pas comme tel une réalité physique, c'est-à-dire que c'est pas de la matière comme telle qui est en anneau, mais c'est plutôt l'interaction de la lumière avec quelque chose. Donc, un phénomène qui nous est très familier, ce sont les halos qu'on observe parfois autour de la Lune ou autour du Soleil. Ah ben oui. Donc ce halo-là, ce n'est pas de la matière comme telle, c'est simplement l'interaction de la lumière du Soleil avec des cristaux de glace qui sont partout dans l'atmosphère, mais étant donné la forme des cristaux de glace en petits hexagones ou en petites palettes, ils vont refléter la lumière d'une façon angulairement sélective qui vont nous faire paraître la lumière du Soleil à ce moment-là un peu comme rassemblée, plus brillante. Et là, si vous regardez un petit peu plus loin de l'anneau, vous allez voir que c'est un petit peu sombre. Donc, la lumière est toujours là, mais elle était un peu comme réorientée. Donc, c'est un anneau comme tel qui ne représente pas tout à fait une structure de matière. Mais revenons-en à ce que vous soulevez, Valérie, les anneaux gravitationnels qu'on appelle parfois anneaux de Einstein, parce que ça résulte de la relativité générale. Donc, rappelez-vous un concept traduit simplement qu'une masse déforme l'espace. Donc, une masse déformant l'espace, tout ce qui y voyage va changer de direction. Donc, la lumière qui passe proche d'une masse peut être courbée. Donc, la masse va agir un peu comme une lentille. Va déformer, en fait, ou reformer l'image des objets qu'on voit au-delà de cette masse. Donc, l'anneau gravitationnel est produit lorsqu'il y a une galaxie intervenante entre nous et un objet beaucoup plus lointain. Donc, et l'objet plus lointain peut être une autre galaxie. Donc, ce qui va se produire, c'est que les rayons vont être redirigés et on va voir des galaxies. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. On va les voir en forme d'un point, un peu comme l'objet que je décrivais plus tôt dans les interactions de galaxies. Un noyau central et un anneau autour. Magnifique. D'ailleurs, l'anneau est de très, très belle circularité dans ces cas-là. Donc, si vous voulez voir, faites une petite recherche « anneau d'Einstein » sur Wikipédia ou votre furteur familier et vous allez trouver probablement de beaux exemples. Mais ce n'est pas un anneau donc, qui est autour, mais vraiment quelque chose qui est en arrière. Oui, parce que la galaxie a toujours la forme très régulière. Voilà. Et si on la voyait sans la présence de cette masse intervenante, elle nous aurait l'air toute normale. Voilà, alors voilà qui nous a fait faire un beau tour de l'espace à travers le concept des anneaux, des différentes structures en anneaux. Alors merci beaucoup Jean-René pour cette visite de l'espace. Je rappelle que Jean-René Roy est astrophysicien et professeur associé au département de physique de l'Université Laval. Merci Jean-René. Toujours un grand plaisir Valérie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui, mais Futur Simple vous revient la semaine prochaine. Il sera sans doute question d'une étude portant sur la dépression chez les femmes. Et pour le moment, je vous laisse à l'écoute de l'aérospatiale sur CKRL 89.1, bien sûr. Sorriso, no sorriso dela meu assunto. Levou junto com ela o que me é de direito. Arrancou-me do peito e tem mais. Levou seu retrato, seu trapo, seu prato, que papel. Uma imagem de São Francisco e um bom disco de Noel. A Rita matou nosso amor de vingança e nem herança deixou. Não levou um tostão porque não tinha não, mas causou perdas e danos. Levou os meus planos, meus pobres enganos, meus 20 anos, o meu coração. E além de tudo, me deu. Il a tordu le cou à ma guitare.